vous écoutez comme un sud. Comme un sud. C'est la radio que vous écoutez actuellement. Actuellement, la radio comme un sud est la radio que vous écoutez. Vous êtes en train d'écouter comme un sud. Bonsoir. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine ou le canalsud.net, NET, sur le web, truc machin. Nous écoutez. Téléphone le 05 61 53 36 95, adresse le 40 rue Alfred Duméril à Toulouse. En France. Nuisance. Sur Canal Sud. Just a purpose.

Ouais, parce que on aime bien la musique douce, quoi. Ouais, parce que là... Si la musique c'est quelque chose après tout. Vous voyez? De la translation épidermique que ce puisse vous procurer en ces temps déloyaux, n'est-ce pas? La loyauté se perd dans l'insincérité, c'est-à-dire l'incréé du sincère. Un point, c'est tout. compris, peux-tu répéter? I'm gonna go to the next one. Thank you. un peu de joie. Nous allons chanter une berceuse. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances et du non-sens, de toute l'insanité pareille, d'une démence atrophiante, dans un ciboulot raté, telle une créature qui, toujours poteau, atrophiante, se démène pour descendre de son trône. Que les êtres scrutent ce territoire, que l'adversité en l'inertie forme des masses corpusculaires qui déblatèrent des âneries, tout en fumant un cigare cramoisi, en se foutant du blé dans les poches, les gens qui encombrent. On n'en veut pas ici parce qu'on est des gros fachos. On veut buter tout le monde tous les jours, mais on le fait pas parce que c'est pour nous qu'on le fait pas, et parce que pour nous on le fait pas, alors pour les autres on le fait pas aussi. Thank you. Thank you. Thank you. final. On en a rien à foutre de rien parce qu'on est mort, merde, putain de merde. Fait chier quoi. Plus rien à dire. Yeah. de mode, si tu veux. Yeah. Canal Sud 92.2 FM sur la région toulousaine, dans la région toulousaine, je veux dire en la région toulousaine plutôt, par la région toulousaine en France, et sinon sur le canalsud.net. Nous écoutez le téléphone, le 05 61 53 36 95, je répète le 05 61 53 36 95, une adresse postale, le 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. We'll be right back. tenter, c'est dire. Sur ces belles paroles, nous allons donc nous laisser écouter donc encore un concerto ou deux de grande et belle musique. Merci. Merci à tous les auditeurs et auditrices de cette fabuleuse émission et de cette fabuleuse radio Canal Sud. Canal Sud, je remercie tout le monde, toute l'équipe des salariés, toute l'équipe des non-salariés, les bénévoles, les actifs et non-actifs, les non-actifs, je veux dire pardon, excusez-moi. Famille Canal Sudienne, vous pouvez venir nous voir au 43 rue Fernand Miril, 38103. Téléphone 05 61 53 36 95. Également avec appréciez donc la grande et belle musique que vous écoutez à 65 sur le concerto numéro 22, bourgeois. Brandez les bourgeois, donc faire du branding sur les bourgeois. Brandez bourgeois, bourgeois, brand bourgeois, concerto de brandez bourgeois. Voilà, donc on me dit que l'émission Nuisance, l'émission qui nuise au sens, l'émission de toutes les nuisances, va terminer dans 30 secondes. Donc nous avons près de 30 secondes à souffrir encore sur cette terre. Et plutôt que de se taire, on ferait mieux de souffrir. Donc souffrons, voilà, donc on souffre à mort, hein. On le sait déjà. Plus que 15 secondes, 14, 13, 12, 11, 10. Je vous épargne le countdown jusqu'à 3, allez, 3, 2. Hein. Voilà, donc ça fait 2 heures que l'émission Nuisance a commencé, a débuté, donc sous le fatras immondicial d'un excrémentiel d'années, je veux dire, des eaux, sans nomenclaturer quoi que ce soit, hein. Tergiversations et billevesées ne sont pas de mise sur une terre pareille, couverte de stupre et de stupeur, n'est-ce pas ? Nous l'avons remarqué la dernière fois, les beaux mots donc de notre ami, je ne sais comment, avaient permis, nos amis, donc également, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Bien que non, mais tout à fait que oui, peut-être, même que bien oui, non, que ne, veut dire non. Peut-être que oui, non, peut-être. Bon, c'est sur ce, donc on a dépassé de 1 minute, voilà, 1 minute, tout à fait. Donc le temps autorisé sur l'antenne de Canal Sud. Nous allons donc remettre l'ordinateur en route sous un fatras immondiciel de Skyline doré. Vous aurez droit à un petit déjeuner en faveur de l'immondice. Allez. Passez une bonne soirée.